Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Ravi de vous retrouver en ce jeudi matin. Nous sommes le 25 juillet, nous souhaitons une bonne fête au Jacques. Ça vient de l'hébreu signifiant supplanter, protéger. Un maître nombre à la clé de ce prénom confère à Jacques un caractère d'envergure. Avec de surcroît trois lettres de valeur 1, nous sommes en présence d'un être volontaire, déterminé et somme toute quelque peu égocentrique. Habituellement réservé et distant, il donne fréquemment l'impression d'être hautain. En fait, il s'agit plutôt d'une certaine timidité qu'il essaie de masquer par cette froideur apparente, à moins qu'il n'adopte une attitude fière et orgueilleuse, également compensatrice. Hyperactif, Jacques devient vite acharné au travail. Si la vie lui permet de vivre les fortes vibrations du 22, il prendra aisément les rênes de sa destinée et peut-être même de celle des autres, car le pouvoir l'attire particulièrement. Il saura faire preuve de ténacité, de persévérance et de patience. Pour lui qui veut la fin, veut les moyens. De nature réservée, de bonne moralité, droit et honnête, Jacques sait aussi être séduisant. Néanmoins, il est avant tout autoritaire et tyrannique. C'est un homme pressé qui a horreur de perdre son temps en bilvesée et n'a de cesse qu'il n'atteigne ses objectifs coûte que coûte. Les échecs ou les obstacles n'entament pas son courage et renforcent même son obstination. C'est un grand nerveux qui possède une grande maîtrise de lui-même mais n'est pas à l'abri toutefois des sautes d'humeur ou d'emportement. Son esprit est pratique et rationnel. Jacques est un homme organisé et méthodique. Dicton du jour. Alors, il y en a plusieurs. On commence avec celui-ci. Le 25 sans pluie, hiver rigoureux. Saint-Jacques à la pomme, à la poire, donne le sel et le poivre. Si Saint-Jacques l'apôtre pleure, bien peu de gland il demeure. De gland sera votre port dépouillé si à Saint-Jacques votre toit est mouillé. Saint-Jacques pluvieux, les glands malheureux. Ou encore, si la Saint-Jacques est serein, l'hiver sera dur et chagrin. Célébration internationale en Espagne, à Galice, c'est le jour national de la Galice. À Porto Rico, c'est la journée de la Constitution et en Tunisie, c'est la fête de la République. Dans les événements qui se sont déroulés un 25 juillet 1957, proclamation de la République de Tunisie. 1992, c'était l'ouverture des Jeux Olympiques d'été. Allez, tout de suite, première pause musicale avec le groupe Earth, Wind & Fire et le titre September. We'll be right back. Earth, Wind and Fire sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 25 juillet 1934, naissance de Claude Zidi, réalisateur scénariste français, réalisateur du film Les Bidas en folie, La moutarde me monte au nez, Les Bidas s'en vont en guerre, L'aile ou la cuisse, La zizanie, Les Soudoués, Inspecteur la bavure, Les Soudoués en vacances, Banzai, Les Ripoux, César du meilleur réalisateur et du meilleur film, Ripoux contre Ripoux ou encore Ripoux 3, scénariste de promotion Canapé ou encore Ma femme me quitte. 1951, naissance de Jacques Legros, présentateur télé, journaliste français. C'est également l'année de naissance de Verdine White, bassiste américain du groupe Earth, Wind and Fire. 1953, naissance de Frédéric Norbert, acteur français, vu dans La folie des grandeurs ou encore Les aventures de Rabbi Jacob. 1958, naissance de Pierre Slade, journaliste sportif français qui a présenté notamment L'équipe du dimanche ou encore l'émission culte hein, Stade 2. 1961, naissance de Catherine Kelly Lang, actrice américaine connue pour son rôle de Brooke Logan Forrester dans la série télé Amour, gloire et beauté. 1963, naissance d'Olivier Chiabaudot, animateur télé français qui a présenté entre autres La roue de la fortune et Interville. 1965, naissance d'Ileana Douglas, actrice américaine vue dans Les Affranchis dans le rôle de Rosie, Les nerfs à vif, Une bouteille à la mer dans le rôle de Lina Paul ou encore à la télévision dans les séries Ugly Betty et Grey's Anatomy. 1966, naissance de Linda Lemay, chanteuse québécoise. 1967, naissance de Matt LeBlanc, acteur américain vu dans Ed, Charlie et ses drôles de dames, Charlie's Angel, Les anges se déchaînent dans le rôle de Jason Gibbons, et connu bien évidemment pour son rôle culte de Joey Tribbiani dans la série Friends et dans la série Joey qui est sortie un petit peu après. 1969, naissance d'Éric Judor, acteur, humoriste, réalisateur, producteur français du duo comique hein, Eric et Ramsey, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on l'a connu, vu donc dans La Tour Montparnasse, Infernal, Double Zéro, Les Dalton, où il jouait le rôle de Joe Dalton, Seul Tout, Neuilly sa mère, Alal Police d'État, Les Nouvelles Aventures d'Aladin et Alad 2 dans le rôle du génie, La Tour de Contrôle, Infernal, Hibou ou encore Problemos, à la télévision dans la série H, aux côtés de Jamel Debbouze, vu aussi dans la série Platane, où il est acteur, réalisateur et scénariste, réalisateur des films Seul Tout, La Tour de Contrôle, Infernal ou encore Problemos. 1974, naissance de Laurent Quay-Russoré, acteur français connu pour son rôle de Thomas Marcy dans la série télé Plus belle la vie. 1975, naissance d'Isabelle Blanc, snowboardeuse française qui aux Jeux Olympiques de 2002 a remporté la médaille d'or en slalom géant parallèle et au championnat du monde elle compte 2 médailles d'or et 3 d'argent. 1980, naissance de Diams, chanteuse rappeuse française. 1982, naissance d'Alonzo, rappeur français en solo et il a sorti notamment le titre La belle vie dont on écoute tout de suite un extrait. RS4, pas de plaque. Ma gadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle vie de zin. La belle vie de zin. La belle vie de zin. On a bu 12 packs. Roux avant sur le nez. Cagoule noire sur le nez. Mzingaland, tu connais? Djendjaouid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le zin se marie, cheval cabré sur le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Condeva 200, on sourit au flash. Permis vient des commandes. Comme d'hab, j'm'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On achète pas les airs avec de sous-table. On encule pas les airs, au cul où on se tape. La bague vend du shit, les frères ouvrent des chichas. Avec le bénef du shit, cherche à devenir au... Voilà pour l'extrait d'Alonzo. Allez, on continue les anniversaires. 1985, naissance de James Lafferty, acteur américain vu à la télévision dans la série Deuxième Chance, mais surtout connu pour son rôle de Nathan Scott dans la série Les Frères Scott. C'est également l'année de naissance de Sandy Scordo, karatéka française qui aux Jeux mondiaux a remporté 2 médailles d'or et 1 de bronze, au championnat du monde 4 médailles d'argent et 1 de bronze, au championnat d'Europe 3 médailles d'or, 6 d'argent et 6 de bronze. 1988, naissance de John John Pierce, joueur de tennis australien, professionnel depuis 2011. Et c'est un joueur de double qui était numéro 2 mondial en 2017, qui a gagné une fois l'Open d'Australie, qui a été une fois finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open et quart de finaliste à Roland-Garros. 1990, naissance de Nasser Bouani, cycliste sur route français, champion de France sur route 2012. Il a remporté le classement par points du Tour d'Italie en 2014 et il a remporté 6 étapes de Grand Tour, 3 sur le Tour d'Italie et 3 sur le Tour d'Espagne. C'est également l'année de naissance d'Alexiane Castel, nageuse française qui, au championnat du monde petit bassin, a remporté une médaille d'or, au championnat d'Europe grand bassin une médaille d'or et en petit bassin une médaille d'or et une d'argent. 2005, naissance de Pierce Gagnon, acteur américain connu pour son rôle de Logan Evans dans la série télé Les Frères Scott. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Linda Lemay et le titre Une mère. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa bonté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore fort jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entrouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Thank you. Linda Lemay sur le 107FM. Allez, on continue, et ils nous ont quittés un 25 juillet. En 2013, on apprenait le décès de Bernadette Lafont, actrice française vue entre autres dans On n'est pas sorti de l'auberge, L'effrontée dans le rôle de Léone, récompensée par le César de la meilleure actrice dans un second rôle, vue également dans Personne ne m'aime, Ripou 3 ou encore Prête-moi ta main. Il est presque 8h47, on parle tout de suite météo. La météo. Aujourd'hui encore une journée ensoleillée, il va encore faire chaud. Des températures déjà comprises entre 22 et 23 degrés ce matin, entre 34 et 36 degrés prévus pour cet après-midi avec un ressenti aux alentours des 40 degrés. Vendredi, soleil en tout cas pour une bonne partie de la matinée. On aura quelques nuages vendredi après-midi. Des températures comprises entre 24 et 25 degrés pour vendredi matin, entre 32 et 34 degrés pour vendredi après-midi. Et samedi, on devrait avoir de la pluie avec des orages. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Diams et son titre, son tube même, DJ. Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai pas de temps à perdre dans des prises de tête. Pourquoi tu m'observes? Pourquoi tu me regardes? Tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. On touche pas ça, on baisse les yeux. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu. Mes meufs, j'ai le même, on a toutes le même. Car on va toutes se ruiner chez H&M. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni que je suis pas une blonde platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratine. Tu galères, ben viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une blonde platine. DJ, je sais que je suis pas une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer avec ce gel. Non, non, non, non. J'suis pas du à ce qu'on me saoule. DJ, y'a de la foule donc mes noix sont de fou. Pourquoi tu fais genre, j'te vois venir avec tes belles jambes, tu crois tout permis. Mais baisse les yeux, trouve-toi un autre mec que c'est mieux. Laisse tomber le mien, sérieux. Rien que tu ris, rien que tu teases, rien que tu te prends pour Alicia Keys. Y'a trop de coquines, trop de balles, copines, de stars qui se la pètent entre copines. Trop de minettes qui veulent se faire remarquer. Trop de fillettes qui font les belles à peine débarquer. Moi, je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. Laisse-moi kiffer. J'ai mes soucis donc s'il te plaît arrête. Laisse-moi kiffer la vibes avec ce que j'aime. Non, non, non, non. J'suis pas du mal à ce qu'on me prenne la tête, non. Ni du mal à ce qu'on drague mon mec. Tu connais ni mon histoire, ni mes problèmes. Cherche-toi un motard ou un mec open. Fais pas le mannequin, j'imagine déjà la tête que tu dois avoir le matin. Donc reste sage, ne me teste pas. Laisse-moi kiffer la vibe, ne me stresse pas. Tu fais la meuf in, mais nous on le sait que t'as pompé ton style sur Beyoncé. J'suis pas une bombe latine, mais moi le DJ passe mon vinyle sur ses platines. J'suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, j'suis pas une bombe latine, ni une bombe platine. DJ, laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. J'suis pas une bombe latine, pas ni une bombe latine. À ce DJ, j'suis pas une bombe latine, j'ai une bombe latine. Si DJ, j'suis pas une bombe latine, laisse-moi ni kiffer bombe latine. La vibes DJ, avec ce j'suis pas une bombe latine, laisse-moi kiffer latine, la vibes DJ, avec ce j'suis pas une bombe latine. Diam, c'est le titre DJ sur RGM. Allez, il est un peu plus de 8h51 et on fait un point complet sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on fait un point complet sur le Tour de France mardi. L'étape a été remportée par Caleb Ewan. Hier, c'est la victoire de Matteo Trentin. Le premier français, c'est Perrichon qui s'est classé 8e. A noter que lors de l'étape d'hier, Tony Martin et Luc Rowe ont été exclus du Tour pour voie de fait entre coureurs. Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune et d'ailleurs au classement des Français ayant porté le plus le maillot jaune sur le Tour de France, eh bien, il est 8e. Et aujourd'hui, eh bien, ça va grimper. En plus, il fait chaud, 18e étape, montagne, 208 km à parcourir entre Embrun et Valloire. Au kilomètre 13, la côte des Demoiselles, 3e catégorie. Au kilomètre 45, un sprint intermédiaire. Au kilomètre 82,5, le col du Vars, 1ère catégorie. Kilomètre 133, le col d'Izoard, hors catégorie. Autre col de hors catégorie, celui de Golibier. En kilomètre 189 et l'arrivée à Valloire où eh bien, ça va grimper là aussi. Julien Alaphilippe a déclaré être prêt à recevoir hein, tout ce que eh bien, les coureurs adverses pourraient eh bien, essayer de tenter hein, lors de ces étapes dans les Alpes. Il espère ramener le maillot jaune à Paris, bien sûr. Mais en embuscade, eh bien, ils sont là derrière, pas très loin, et notamment Thibaut Pinot, hein, toujours 4e au classement général, toujours à 1,50 de Julien Alaphilippe. En tout cas, allez les Bleus. Allez, on continue l'actu sportive avec en football Euro U19. La France a été éliminée hier soir en demi-finale par l'Espagne. 4 buts à 3 au tir au but. En handball mondial U21, la France a battu l'Espagne dans les dernières secondes. 24 à 23, direction les quarts de finale. Natation, première médaille pour la France. Elle est en bronze sur le 800 mètres, messieurs. Et c'est David Aubry qui a remporté cette belle médaille. Un mot de tennis maintenant à Hambourg. Hier, Jérémy Chardy a battu Richard Gasquet. Pas de Français sur les cours aujourd'hui. À Atlanta, aujourd'hui, Humbert affrontera Kecmanovic. À Jourmala, Paquet a battu Garcia hier en 3-7. Pas de Français sur les cours aujourd'hui. Tout comme à Palerme. Et c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec un tube de l'été. C'était en 2015. Le groupe Ozone avec Dragosta Dintei. Ce simt acum. Alo?